amis de la moustache, bonjour! Vous écoutez en ce moment Forever Moustache, enregistrement stéréophonique coproduit par DP Records et Maleros Productions. Sous la houlette du FLM, ce disque qui accompagne le numéro 0 de Saint-Père Moustachium est une compilation musicale ayant pour thème la moustache, vous l'aurez bien deviné. Louer les vertus de la moustache, se lamenter sur son manque de moustache, regretter d'avoir coupé la sienne, défendre le droit à la moustache pour les filles, donner des tuyaux pour bien la peigner, les motivations de ces artistes sont diverses. Mais leur profonde passion pour la moustache ne fait que renforcer les liens, déjà nombreux, entre le poil et le monde de la musique. Comme nous le rappelle si bien ce tube de Maria De Rossi, « Ah, que j'aime la moustache !» Les hommes sont beaux et qu'elles soient brunes ou blondes, c'est elle qui fait battre le cœur de toutes les filles du monde. Ah, que j'aime la moustache, comme toutes les filles, j'en suis folle. Ça m'électrise. Ah, que j'aime la moustache. Pour les baisers, ça pique, mais c'est si bon. Et ça me donne plein de petits frissons.